pénétrer par une trique. Surveille bien les soupirs orgasmiques. Pareil que garçon, quand t'enlèves la cédille, y'a plus rien pour faire mouiller le con des vilaines filles. Maintenant dans le sac on trouve des godes calés entre le rouge à lèvres et le iPod. Je suis une salope, une chaînasse, une info, une menace, une bimbo, une assoiffée de mine pleine de libido, une perverse, une allumée du clito. Je suis une salope, une chaînasse, une info, une menace, une bimbo, une assoiffée de mine pleine de libido, une perverse, allumée du clito. Pourquoi de nos jours il n'y a plus de machos mais des girls power pleines de biscotto, des grognasses qui font de la muscu. Elles ont gagné, on va plus mater leur cul. Elles se servent de leur chatte comme un appât pour appâter ta carte bleue, mon pauvre gars. C'est pour ça que les filles soi-disant bien élevées n'aiment pas la concurrence déloyale des prostituées. Je pute une salope, une chinasse, une info, une bonasse, une bimbo, une assoiffée de mine pleine de libido, une perverse, une allumée du clito. Je pute une salope, une chinasse, une info, une bonasse, une bimbo, une assoiffée de mine pleine de libido, une perverse, une allumée du clito. Hétérosexuel, je trouve que c'est le bordel. Je suis pas intolérant mais pas autant consensuel. Une bite ça va dans une tocha ou dans le cul d'une femelle. Dans sa bouche aussi mais c'est un détail usuel. Mais comme le cul est toujours un tabou, on en revient à la religion, la prière à genoux, pour avaler l'hostie, surtout celle du curé. Big dédicace à tous les obsédés. Je ne suis qu'une salope, une chaînasse, une info, une bonasse, une bimbo, une assoiffée, une bite, pleine de libido, une perverse, une allumée, une clito. Je suis une pute, une salope, une chinesse, une info, une bonasse, une bimbo, une assoiffée, une bite, pleine de libido, une perverse, une allumée.